MPG, les délires du lundi. T'arrives en le taulier, il a relancé la ligue. Il a fait venir deux de ses potes, sa famille. On va leur montrer qui c'est José. Boule de vent, boule d'argent, j'ai acheté toutes les pépites. Lock, ouais, dis pas de frime, y'a trois fans des sardines. Lyonnais toujours là, on va t'expliquer tout ça. Les bonus, y'a nanar, donnez-moi tous vos saya. A l'ancienne, j'fais un petit tour sur moi-même. Président, il mange le pain de nos enfants. Pas de quartier, MPG, si c'est pas Marseille, bébé. Qui sera le champion, flof, flof, flof, Ruska. On manque avant ses pions. Dembélé, désolé, acte d'être enfoiré. Kékaré, c'est l'année de Mikotadze. MPG, les délires du lundi. T'arrives en le taulier, il a relancé la ligue. Il a fait venir deux de ses potes, sa famille. On va leur montrer qui c'est José. Boule de vent, boule d'argent, j'ai acheté toutes les pépites. Not ready, pas de frime, y'a trois fans des sardines. Lyonnais toujours là, on va t'expliquer tout ça. Les bonus, y'a nanar, donnez-moi tous vos saya. A l'ancienne, j'fais un petit tour sur moi-même. Président, il mange le pain de nos enfants. Pas de quartier, MPG, si c'est pas Marseille, bébé. Qui sera le champion, flof, flof, flof, Ruska. On manque avant ses pions. Dembélé, désolé, acte d'être enfoiré. Kékaré, c'est l'année de Mikotadze.